Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire la transition en live Freaky Mix Le Banger. Et voilà, on est tous bien présents ce soir dans les studios du 93.6. Une nouvelle émission donc en direct, 2 heures de plein de bonnes choses à s'écouter. Avec des nouveautés, Burning Witches, qui sera d'ailleurs en Touraine à la fin du mois, les très très bons franciliens de Moonreich, et les Bélarusses de Extermination Dismemberment. Non, Burning Witches, c'est pas ceux-là qui sont là à la fin du mois, c'est quand, comment ça s'appelle? Je sais plus, c'est Witches quand même qu'il y a dedans. Et voilà, les Bélarusses de Extermination qui nous sortent un très intéressant nouvel album. On va d'ailleurs s'en écouter un extrait dans la doublette d'ouverture et j'en reparlerai brièvement ensuite. Enforced, tout d'abord, comme on l'a déjà dit, un candidat, un des meilleurs albums trash de cette année, une sortie Century Media. Troisième effort seulement, Rare Remains, on les a eus à Tours il y a bientôt un an d'ailleurs, les Ricains de Enforced, et donc en doublette avec les Bulldozers, Bélarus de Extermination Dismemberment, Dehumanization Protocol, en toute sobriété le nom de leur nouvel effort studio. Eux par contre sont restés chez Unique Leader, et on s'écoutera l'extrait Proto Nemesis, et juste avant ça Empire, le titre de Enforced. C'est parti, et bienvenue dans l'émission. We'll be right back. Extermination Dismemberment. J'ai eu un peu peur, c'est vrai, parce que l'album a mis énormément de temps à sortir. Ils nous ont balancé Omnivore il y a presque 3 ans maintenant. C'était du coup 5 ans, tant que ça, putain. Premier extrait de ce troisième album remonte à il y a 5 ans. Omnivore, à ce moment-là, on ne savait pas, c'était un single. Est-ce que c'était un extrait d'un EP à venir? Bon, finalement, c'est un extrait qui faisait partie de ce troisième effort studio de Extermination. Omnivore, à l'époque, était complètement dans le thème des deux précédents albums. Et puis, il y a eu cet extrait ensuite, Proto Nemesis, avec quelques orchestrations, des arrangements un peu par-ci par-là, et une grosse ambiance Nile. J'ai vraiment trouvé vraiment le côté très, très obscur, incantatoire de Nile qui m'a direct matché sur ce titre de Proto Nemesis. Récemment, ils ont sorti un clip du morceau qui clôture l'album, Corpse Pit. Bon, je pense que c'est plus une espèce de grosse blague pour faire du clic et générer de l'attractivité, parce qu'en soi, le morceau, c'est du dance slam, c'est un peu merdique, mais c'est rigolo. Puis le clip est vraiment nul à chier, hein. C'est vraiment Teenager 90s. Mais voilà, les mecs, ils sont fait plaisir. Voilà, c'est du Teenager 90s à la sauce russe 2023. Voilà, regardez-le pour vous marrer 30 secondes, mais vous verrez, enfin, vous retiendrez absolument rien du morceau. Mais l'ensemble de l'album est vraiment très très bon, et j'en dis pas plus parce que peut-être que ça nous fera un focus dans les semaines à venir. Clin d'œil. On continue la diff avec Enforced tout à l'heure, Enforcer maintenant, qu'on aura l'occasion de voir d'ailleurs le week-end prochain du côté de Poitiers à Chauvigny, plus précisément à l'affiche de l'excellent Untamed of Steel, festival true heavy metal avec plein de choses super cool dedans. Enforcer, ça nous vient de Suède. Nostalgia, c'est le nom de ce sixième effort studio, une sortie toujours chez Nuclear Blast, et on les écoutera en doublette avec les coréricains de Drain. Ils nous sortent un nouvel effort studio, hein. Le groupe était un petit peu pas très actif, avec notamment des icos de Gulch, qui eux par contre ont eu la part belle ces dernières années. Second effort studio, Living Proof pour Join, avec toujours un artwork très inspiré. Epitaph Records, c'est leur écurie. On s'écoute le titre Imposter, et juste avant ça, Enforcer, le titre At the End of the Rainbow. C'est parti. Yeah. everyone try to be everything but themselves. You think you gotta prove what? Something to who? Imposter! The little buzz that you got went straight to your head. It's easy being yourself to work, but you never learned that shit. You try too hard to be something you're not. I see you there, you're a stranger to yourself. I shouldn't be my fucking drama. Et voilà, ouais, un démarrage un peu sur les chapeaux de roue. Je vois l'ami Thibaut qui s'échauffe, ça va bientôt être l'heure de son premier focus pour ce soir. Le temps de s'écouter une nouvelle doublette. Stillbirth et Predatory Void. Stillbirth, tout d'abord, le groupe de Surfing Slam Death qui nous vient d'Allemagne, qui vient de sortir son nouvel effort studio. Homo Deus, j'allais citer le Revive the Throne, mais ça c'était un remix des premiers albums, une reissue pardon des premiers albums. Homo Deus, Stillbirth, il n'y a pas de surprise, c'est toujours fait correctement, c'est toujours funky, groovy et brutal à la fois. Et en doublette, Predatory Void, Seven Keys of the Discomfort of Being, c'est le nom de ce nouvel effort et premier véritable effort studio longue durée de ce All-Star Band venu de Belgique. On compte dans les rangs des actuels et ex Amen Ra, guitariste qui était sur les premiers Aborted, et guitariste de Cobra the Impaler, un groupe du coup qui fait un peu parler lui depuis quelques temps. Voilà, Predatory Void, on est sur du Blackening Sludge, un peu doumisant, c'est crassou et c'est vilain. Une sortie Century Media, on s'écoutera le titre The Hell Within, et juste avant ça, Stillbirth, Seeds of Judgment, c'est parti, et ça doit juger fort dans les rangs de Stillbirth en pensant à Duncan Battley. Thank you. Allez, 21h30, 30 pile, ça fait 21h30 à la pendule de Radio Béton. Vous êtes bien évidemment à l'écoute d'Elbanger, hein. Il n'y a que dans ce genre de situation que vous entendez des glissades du genre. Et c'est l'heure de retrouver l'ami Thibaut pour le premier focus de l'émission de ce soir. Ce qui, oui, sous-entend qu'il y en aura au moins un autre. Il y en a bonsoir. Un autre. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Premier focus de la soirée sur un gros morceau, on va dire. Parce qu'on est sur un groupe qui donc, s'est formé en 81, Anthem, un groupe qui nous vient du Japon, plus précisément de Tokyo, qui sort là leur 20e album, donc avec une sacrée carrière. Ils donc ont... le focus va faire 43 minutes. Non, hein, on va essayer, on va essayer de faire succinct quand même. Donc ils ont eu un groupe qui a évolué un petit peu énormément, on va dire, dans leur carrière. Ils ont eu des débuts heavy, ils ont été flirtés un petit peu avec le power. Au fil de leur discographie, ils ont vraiment des périodes et des moments dans leur discographie, on va revenir dessus. C'est une évolution pas à pas, mais qui est allée explorer un terrain, puis qui est revenue un peu au centre pour refaire du heavy à un moment, puis qui est repartie sur autre chose. Donc ils ont vraiment une belle évolution de carrière qui est certes lente, mais voilà, pour donner entre... Donc ils sortent leur premier album en 85. Et jusqu'en 1992, ils vont sortir quasiment un album par an. Un peu la spécialité du groupe, c'est de chanter en japonglais. parce qu'on a vraiment, vraiment du texte qui est narré en japonais. Et avec les refrains qui vont surtout avec des mots-clés qui vont revenir en anglais. Je pense que c'est vraiment dans un but que ça soit purement accrocheur et international. Et ça fonctionne super bien. D'habitude, je suis pas trop trop fan de ce genre de mix, mais là pour le coup, je trouve que ça fonctionne très très bien. Donc leur premier album qui est éponyme, qui est un album qui est purement heavy. Le suivant, donc en 86, il sera vraiment dans la même vibe, avec peu d'évolution. C'est vraiment dans la continuité. Et en 87, Born to Break. Alors je m'arrête un peu dessus parce que c'est un album que j'ai bien aimé. Je trouve qu'il trouve un peu l'équilibre dans ce début de carrière. C'est un petit peu le milieu du début de leurs années. Et moi, cet album-là, je l'ai beaucoup aimé. Il y a quelque chose de très rock'n'roll qui en sort. Et voilà, il est ultra accrocheur. Les refrains, ils te restent en tête comme c'est pas permis. L'album de 88 sera peut-être un petit peu plus dispensable, donc je m'arrête pas dessus. On aura en 89 un album qui s'appelle Hunting Time, qui lui va explorer un peu du glam. Donc on va avoir des espèces de Roland un petit peu à la Motley Crue ou... j'ai mangé le Motley Crue et l'autre groupe de cette époque-là. La liste est longue à ce moment-là. Ouais, mais j'ai mangé... Wasp, Whitesnake, Twisted Sister. Twisted Sister, voilà. Merci. Merci. Ça me fait plaisir. Et on va avoir un petit peu une ambiance dans ce style-là. Donc voilà, là vous voyez, on part vraiment d'un heavy metal très traditionnel des années 80 autour de l'Allemagne. On va être par là un petit peu. Et on va aller explorer un petit peu du glam plus paillette. Riquin, déjà. Riquin est beaucoup plus paillette. Donc, ça fonctionne super bien. Cet album est très cool. On enchaîne... On enchaîne donc jusqu'en 92. Hein, je m'arrête donc sur le 7e album. Parce que, déjà, on aura Domestic Bounty qui, lui, commencera un petit peu à manquer d'inspiration, je trouve. Il y aura quelque chose qui va manquer au groupe à ce moment-là. Et ils vont splitter, en fait. Ils vont s'arrêter donc en 92 et ils ne reprendront que 8 ans après avec une reformation en fait avec uniquement le bassiste et changement de chanteur et de batteur. Donc bassiste qui lui est d'origine dans le groupe. Et donc là, ils vont sortir toute une palette d'albums. Alors, terriblement kitsch dans leur nom. Et de nouveau sur un rythme effréné. Et voilà, et là on repart sur du un album par an. On aura Heavy Metal Anthem. Vraiment, exactement. Seven Hills et Overload, des albums qui sonnent un petit peu... on est au début des années 2000 et on sent un petit peu l'influence du visual qui va arriver. Et on a quelque chose d'un petit peu plus pop qui va rentrer dans leur musique. Alors un petit peu, hein, faut pas non plus... quelque chose de plus pop et peut-être quelque chose d'un petit peu plus générique d'animé. Donc vraiment, Heavy K-pop. Non, pas du tout K-pop. Plus ce côté un petit peu générique de DBZ, tu vois. Donc le côté, côté visuel qui est vraiment, okay. qui ressort de ces albums-là. Epic, très bien. Ouais, voilà. Pour moi, globalement, c'est pas la période la plus intéressante du groupe. Ça fait la deuxième période pas intéressante, hein. Non, du tout. Mm-hmm. Oui. Non, il y a eu un album qui manquait un peu d'inspiration avant qu'il split. T'as pas suivi, c'est pour ça. Et arrivera l'excellent album Eternal Warrior qui sortira en 2004, qui sera vraiment un retour aux sources, un espèce de revival. Pour moi, l'album qui ressort en partie de la discographie, parce qu'il arrive un moment où le groupe voilà, était un peu en recherche de lui-même et il vient te mettre une claque de rappel pour te reposer le décor un petit peu de ce qu'il faisait à l'époque. Et j'ai trouvé ça très très cool. Et je propose qu'on s'arrête là et qu'on s'écoute un petit morceau. Donc extrait de l'album Eternal Warrior. Exactement pas. Ouais, c'est ça, j'ai tout bien écouté. non, tu me dis l'album il est cool, donc on va écouter un extrait. Bah, pas du tout en fait, c'est un extrait de Born to Break. Tout à fait, le troisième album. Qui était sorti en 1987 avec le morceau Empty Eyes. C'est parti! Retrouve donc un groupe venu d'Allemagne-Suède. Exactement, ça s'entend dans le son. Tout à fait. L'Allemagne-Suède de l'Est du Levant. Exactement. Non mais voilà, donc effectivement un son, une approche allemande avec un son suédois, le tout venant du Japon, c'est génial. Chanté en japonais. Non mais voilà, le projet ça fonctionne super bien, et en fait ça fonctionne super bien sur l'ensemble de leur discographie. Là, cet album-là, je trouve qu'il est un peu au milieu de la période vraiment purement heavy de leur début de carrière. Et ouais, c'est un album qui fait parfaitement le milieu de cette carrière-là et l'équilibre. Pour rappel, l'extrait qu'on vient de s'écouter date de 87. Exactement. Pour moi, ça sent pas la fin des années 80 en termes de son. Non, c'est plus moderne que ça. Le son, il est presque 10 ans en avance dans le temps. C'est impressionnant. Ouais, complètement. Et du coup, en 2004, je m'étais arrêté là, donc sur Eternal Warrior, où ils revenaient à cette approche musicale, mais avec un son des années 2000. Et donc des années 2015. Exactement. Toujours dans le turfu. Et du coup, on enchaînera avec un album en 2006 et en 2008, donc Immortal et Black Empire. Et là, tu vas avoir le début de... Ils vont commencer à piquer un petit peu ce qui se fait dans le power de cette époque-là, en Allemagne. Et ils vont l'injecter un petit peu dans leur son. Et ça sonne super bien. Ces albums-là sont excellents également. Je pense que c'est les albums... Alors moi, le power, je suis pas un gros fan de power, mais quand je vois un petit peu les notes que les gens donnent à ces albums-là, ça a l'air de ressortir comme les albums phares du groupe. Et ouais, clairement, je comprends pourquoi. C'est pas forcément ma came absolue, mais je comprends ce que les gens y ont trouvé, parce que ça sonne pas kitsch, en fait. Ça sonne power, power allemand. C'est catchy, ouais. Mais c'est pas kitsch. Ça va pas trop loin. Et après, les albums, au fur et à mesure, donc les années qui suivent, donc 2011, 2012, 2014, je m'arrête pas dessus, mais ils vont introduire un petit peu plus de power à chaque album, jusqu'à arriver à l'album Nucleus en 2019, qui pour moi, c'est le moment too much. Faut arrêter là. Là, ça devient du power. Voilà. C'est trop pour moi. C'est purement power. C'est kitsch. Ça sonne trop. Ça se voit, les gars. Vous en faites beaucoup trop voilà. Dedans. Et donc, en 2020, ils ont sorti alors rapidement donc Explosive Studio Jam, qui est vraiment juste un album de cover, mais ils n'avaient rien sorti depuis. Donc, je m'arrête dessus parce que c'est leur dernière sortie vraiment studio qu'ils aient envoyé. Et donc là, on arrive en 2023 avec Crimson and Jet Black. Et hors split 92-2000, la période 2014-2017 entre Absolute World, Engraved et Explosive, Crimson et Jet Black, c'est les deux seules fois où il s'est écoulé 3 ans entre c'est deux ça. Sorties d'albums. Donc, sinon, 2 ans. Voilà, c'est les mecs, ils ont un rythme absolument incroyable. Ouais, ouais. Et puis, il y a des moments plus faibles, comme dans toute discographie, 20 albums, il y a forcément des moments plus faibles. Mais globalement, c'est tous des très bons albums. Nucleus, j'ai moins accroché parce que c'est vraiment power kitsch à souhait. Mais je pense que des fans du genre, déjà, ils y trouvent leur compte. Et ça reste très bien construit, très très bon. Et là, les albums, je parle de kitsch, les pochettes des albums. C'était le sujet suivant. Parce que, moi, quand je. Ouah la vache. Ah ouais, non, mais il y a des pépites hein, dedans. Mais bon, on pardonne, c'est un groupe des années 80. Mais là, j'étais sur les photos, les covers récentes, en fait. J'ai pas regardé les covers old school. Parce que là, je regarde la cover du dernier. Ouais. J'ai l'impression de voir un visu de Saxon. Et ouais. En fait. Ouais, complètement. Mais en fait. La jaquette, elle va annoncer un petit peu ce qui va se passer dans l'album. Je vois ta tête là, tu es en train de regarder leurs pépites, c'est du génie. Je vais m'arrêter là. Je vais pas faire toutes les discographies, j'en ai fait la moitié. C'est très très kitsch au niveau des visuels. Le nouveau, il déroge pas à la règle, mais il y a une vibe heavy qui en ressort. Et il y a un côté, entre guillemets, Judas Priest qui ressort avec cette espèce de méca d'oiseau avec un couteau dans la bouche et tout ça. Je trouve qu'il y a ça. Et ça annonce complètement ce qu'il y a dans la musique, c'est-à-dire un espèce de revival de leur musique où ils reviennent à quelque chose de beaucoup plus heavy en abandonnant le power vraiment au second plan. Il y a des touches, il y a des notes de power dans leur musique, mais avant tout, c'est du heavy metal. Et du heavy metal qui, c'est en t'écoutant, en repensant à ce que j'ai écouté, c'est du heavy metal très moderne, post-2000, américain. Je trouve dans l'approche, c'est vrai qu'ils ont creusé pendant 30 ans la scène européenne, et là c'est vrai que je trouve dans l'approche c'est du heavy américain, mais avec ce relent de power européen des années 2000. Complètement. C'est du coup un crossover d'inspiration musicale très bien maîtrisé, qui nous donne un Crimson et Jet Black qualitatif. Ouais, c'est ça, c'est l'album en fait, il est ultra entraînant. Et je connaissais pas le groupe hein, avant de tomber sur l'album et me dire « Ah putain, ça fonctionne quand même bien. J'ai envie de savoir ce que c'est que ce groupe. » Tu regardes la date de création, tu fais 81, tu fais « Ok, bon. » Il y a à dire, tu regardes les albums, tu fais 20 albums dans la discographie. Oh no. Tu vois les notes, tu fais « Putain, c'est bien noté, il n'y a pas de creux dans le machin et tout ça. » Bon, allez, je creuse. Et ouais, grosse découverte pour le coup. Et donc cet album, oui, c'est du heavy. C'est du heavy avec quelque chose d'assez moderne dans son approche. C'est du heavy avec beaucoup de choses revival qui viennent vraiment du passé et qui se comprend dans l'historique du groupe. C'est kitsch, à souhait, de ouf. Mais ça c'est du kitsch dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est fait pour fonctionner, c'est accrocheur. T'as un chant qui est clairement maîtrisé. Au fil des années, bah forcément, tu vois que le chant, bah, il perd en puissance à proprement parler, mais pas en maîtrise déjà, et surtout pas dans son approche, dans la qualité des compositions, de la façon d'utiliser le chant. Juste, bah voilà, tu sens les années qui se tassent, ça a son charme aussi dans le truc. J'ai écouté des lives, bon, le live, voilà, hein, c'est à voir sur scène peut-être. C'est un autre aspect du groupe. Voilà, mais il y a une maîtrise globale. Les partages de gratte sont ultra inspirés. On mettra un petit bémol, comme toujours, sur ces groupes des années 80 où je trouve que la batterie. Ça se répète énormément. Ça se répète énormément, mais ça fait le taf. C'est parce qu'on n'attend pas un jeu de batterie incroyable dans ce style-là. Et bah, c'est les grattes et le chant qui font le taf et ça fonctionne super bien. Donc voilà. Un album généreux, hein, plus de 50 minutes, 11 compos, dont un titre instrumental. On n'a aucun morceau en dessous des 4 minutes. On en a plusieurs qui flirtent avec les 6 minutes. Et voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer cependant sur la durée. Ouais, ouais, carrément. Donc là, on va pouvoir s'écouter un extrait de Crimson and Jet Black, 20e ou 19e ? Non, c'est le 20e, c'est ça. 20e album. J'ai eu un doute. Effort Studio de Anthem qui nous vient du Japon. Et on va s'écouter le titre Blood Brother. Nyeh. You On n'a pas eu le au début, mais on l'a eu à la fin, du coup je suis content. C'est déjà l'heure d'attaquer l'aspect française avec une ouverture de la doublette à venir, une nouveauté. Les Franciliens de Moonreich, le groupe de Black tellement plus, hein, de Black ultra classieux qui n'en finit pas de gagner en efficacité. Ils ont sorti un très très bon et culte déjà, Loi Martiale en 2011. Et en fait, depuis le Terriblis Est Locus Iste, le groupe gagne album après album en qualité. Alors ils sont assez prolifiques, hein, 2011, 13, 15, 18. Bon là forcément un break un peu plus long dans les sorties d'albums, hein, avec un EP cependant, Warm God, qui était sorti en 2019, qui était très intéressant déjà. Voilà, Moonreich nous revient avec un nouvel effort studio, visuel très Moonreichien, hein, très, très efficace. L'album s'intitule Amer. 42 minutes pour 5 titres seulement. Les morceaux sont hyper long, hyper généreux, très travaillé, très classieux. Voilà, c'est vraiment la grande qualité sur album et sur scène, Moonreich. Donc on vous invite à vous pencher une fois de plus sur cette sortie studio venue des Acteurs de l'Ombre. On s'écoutera le morceau Where They Think, et en doublette avec Moonreich, le duo du grindcore venu de Lyon, Warfuck, 4e effort studio, Diptyque. Pareil, le précédent album était sorti en 2018. A l'inverse, là, on est sur presque 20 titres pour 23 minutes. Pour Warfuck, hein, toujours un grindcore ultra violent, vindicatif et terriblement efficace. Oui, c'est ça, il n'y a pas un morceau qui dépasse les 2 minutes. On s'écoutera donc une doublette dans la doublette. Warfuck, Umbetar, Lavone, et juste avant ça, donc Moonreich, c'est parti. Dehors, à l'extérieur, il n'y avait rien ici, il y avait tout.